Radio Antigone. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone. Le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Bonsoir à tous, bienvenue, j'ai failli dire dans la case du week-end par habitude, mais non, bienvenue dans Bye Bye 2021, c'est votre émission qui va vous accompagner jusqu'en 2022, et je ne suis pas seul, puisque je suis en compagnie de Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous nos auditeurs. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très très bien, toi. Enfin, de toute façon, quand on est avec toi, on peut être qu'heureux. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup, trop d'honneur ce soir. Merci de m'accompagner pour cette émission qui sera, j'en suis sûr, très très belle. Voilà, on va passer eh bien les dernières minutes, la dernière heure de 2021 ensemble, et puis on va commencer l'année 2022 ensemble, année qui j'espère sera bien bonne, voilà. Alors Xavier, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir pendant que je prépare la musique suivante ? Eh bien, on a prévu de le passage de 2021-2022, le tout dans la bonne humeur, dans la joie. Alors, on vous a prévu un petit zapping du réveillon, quelques fois comme ça, en plein milieu de l'émission. On ira voir ce qu'il fait de ci, de là, à la télévision. On vous a prévu plusieurs petites musiques que tu es d'ailleurs en train de programmer. Et puis voilà, le tout dans la bonne humeur. Eh bien, le concept du zapping, c'est pas très simple, c'est au fil de l'émission, on ira voir ce qui se fait sur TF1, sur France 2, sur France 3, chez nos camarades de la radio, si on ira voir ce qui se fait un petit peu sur RTL par exemple, etc. etc. Mais oui. Et mon micro était éteint, donc c'est toujours super, voilà. Je disais donc que, eh bien, on va faire un petit récapitulatif des titres qui nous ont marqué cette année. Les titres musicaux, oui, c'est un peu mieux, hein, les titres qui sont musicaux. Voilà. Et on va écouter quel titre, si tu veux déjà l'annoncer. Eh bien, on va commencer par écouter ABBA. Ah, oui, mais ça nous a pas marqué cette année. Bah, c'est pas le... C'est pas plus... C'est vrai qu'on aurait pu diffuser le dernier titre du dernier album, mais oui, c'est pas ça qu'on a choisi pour l'instant. On pourra le faire, hein, si tu veux, en fin de soirée. Oui, mais bon, voilà, c'est déjà 23h, je suis déjà un peu fatigué. Je vois ça. Et du coup... Comme moi. Et ben, du coup, il me semble que le premier titre qui nous a marqué, qu'on écoutera, ce sera Hurricane de Offenbach et Ellen Anderson. Oh là là, ça va être bon, ça, dis donc. Je sens. Mais oui. Très bien, parfait. Eh bien alors, on va être prêt à profiter de cette soirée. Le premier titre est prêt, donc on va pouvoir le lancer. Mais attends. Je ne sais pas où le mettre. On n'a pas oublié de présenter Antoine qui viendra d'ailleurs dans la soirée. Mais si, Antoine, notre fameux président qui va venir passer une tête en quelque sorte dans cette émission. Bien sûr, on va le voir puisque, eh bien, Antoine, on l'adore. Voilà, tout simplement. Alors moi, je suis en train de galérer avec quelque chose, mais c'est pas grave, voilà, tout va bien, c'est normal. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Je ne sais pas, je ne saurais pas. Voilà. C'est le rodage. Ah ouais, c'est totalement le rodage, c'est l'avantage de prendre un train quelques minutes avant de prendre l'antenne. Pourquoi mon micro est très très faible, j'ai l'impression, c'est... Voilà, faut que je vois si on m'entend bien à l'antenne, bon, si ça va... C'est parfait alors je vais... ajouter la musique d'une façon très très non conventionnelle. Voilà, mais au moins la musique sera là. On va la mettre dans la catégorie classique. Musique, hop. J'ai pas d'intro, j'ai rien qui est affiché. Je sais pas du tout. Voilà comment ça commence. Si ça se trouve, je l'avais déjà dans la base de données, la musique, et je me suis embêté à la rajouter pour rien. Voilà. Qui est totalement possible avec moi. On peut y aller, Xavier. Je suis désolé pour petit raté de démarrage. Voilà. Voilà. Virgule peut-être du coup. Allez. Allez, la soyons fous. C'est parti. Le bye bye 2021. Voilà. Et effectivement, j'avais déjà bien Dancing Queen dans ma playlist. Donc on a perdu du temps pour rien. Bravo Enzo. Et bien du coup, on écoute Dancing Queen là-bas. Radio Antigone. Le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Mon micro était éteint encore une fois. Voilà. Ah bah les habitudes hein, ne se perdent pas. Hein. Ah, les habitudes de ne pas allumer le micro ne se perdent pas. Mais voilà. Voilà, voilà. Le zapping, donc, on a dit, l'émission commence, mais alors, merveilleusement bien, mais c'est aussi ça, Radio Antigone. Vous êtes donc dans Bye Bye 2021, et on vous accompagne jusqu'à 00h30, on va passer le cap de 2022 tous ensemble avec Xavier, qui est avec moi en direct. Rebonsoir, Xavier. Et le zapping, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est le tour des 27 chaînes de la TNT gratuite française. 27 si on enlève, 26 si on enlève Canal+, mais 27 puisqu'il n'y a plus rien sur le Canal 19. Donc, en fait, on est bien à 27. Ah non, on est à 25 du coup. Mmh. Voilà, et le but est de savoir ce qui se passe un petit peu du côté de nos concurrents directs, bien sûr, puisque tout à fait le même niveau que TF1, nous, du côté d'Antigone. Voilà. Ah bah ouais. Tu as son numéro donc avec Karine Ferry? Oh là là, dis donc. Ah d'accord. Bah très bien, très bien. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ce qui se passe actuellement, du coup? Voilà, alors moi j'ai l'image. On va avoir une imitation, je pense. Ah non, là on part du côté de Quotidien. Faut que j'allume le son. Il est comme ça. Ah oui. Mais pourquoi? Voilà, le grand bêtisier du 31, on écoute un petit extrait. Que se passe-t-il actuellement sur TF1? C'est triste quand même qu'on en soit réduit ce soir à devoir vraiment une discussion là-dessus. C'est une discussion qu'on pourrait avoir autour d'une bière, comme ça. Pas là, maintenant. Pourquoi ça vous oppresse? C'est-à-dire que j'aime bien que les chaussettes, elles restent indépendantes l'une de l'autre et qu'elles soient comme ça, approchées et pliées en deux. Oui. Comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, mais elles sont dégueulasses. Non, vous mettez les deux parallèles. Comme ça. Non, vous les pliez ensemble, dépliez. D'accord. Ça, c'est moins angoissant. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Hein. Énormément de temps. On trouve de tout sur Internet, hein. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est du fun, du LOL, du MDR, du PTDR. Cette année, on a été servi. Voici le meilleur de la toile en 2021. Pour notre traditionnelle cérémonie des Bêtisier Awards du Net 2020. Voilà la première partie du zapping. Nous étions donc sur TF1. Oh là là, Xavier qui me suit quand je parle dans des phrases à trous. Ah ouais, parce que c'était pas du tout prévu, on est d'accord. Ah ouais. Et du coup, où va-t-on maintenant avant d'écouter ton single de l'année? Ah bon? Tu trouves? Bon, je vois pas la différence. Ah, bon bah alors, on y va? Très bien. Qu'on vous souhaite à vous pour 2022? Bah l'amour, toujours. Toujours l'amour? Bah ouais. Et qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à celles et ceux qui nous regardent? Bah pareil, amours, les grands amours, les beaux amours. Le grand amour, les grandes amours, évidemment. Bah, c'est ce qu'on... Ça nous sauve de tout. Bah, ça nous sauve la vie. Hein. Exactement. Bah, ouais. Merci beaucoup Juliette Armanet d'avoir mis le feu aux grandes écuries de Chantilly, au sens figuré bien sûr. Et le feu, il en sera d'ailleurs à nouveau question à minuit pour un spectacle époustouflant. Une explosion de couleurs orchestrée par Ruggieri et son directeur artistique David Proto sur un mix de Michael Canitro. Restez donc avec nous. On va passer ensemble une soirée exceptionnelle sur France 2. Et sur Radio Antigone, bien sûr, avec bien un nouvel an tout en lumière et tout en feu d'artifice, bien sûr, sur Radio Antigone également. Hein. Et oui. Ah ouais, bah oui. Ouais. On profite, hein. On se fait plaisir. Je te propose qu'on écoute la suite, du coup. Le zapping qui va continuer dans quelques minutes. Déjà quasiment en retard, mais c'est pas grave. On ira sur France 3 et également sur une radio, sur RTL. Ah là, c'est la concurrence, en effet. Alors je lance le titre, tu le verras pas sur le logiciel, mon cher Xavier, mais j'ai bien le titre qui va se lancer et que tu vas pouvoir annoncer. C'est ton single de l'année, puisque nous avons décidé, pour terminer en beauté cette année, eh bien de faire un point, un petit tour d'horizon sur ce qui nous a marqué en cette année 2020. Et Xavier, la chanson qui t'a marqué, eh bien, est une chanson notamment d'un artiste notamment français. On n'entend plus l'introduction parce que je n'avais pas la bonne source sonore, mais on entend l'introduction. I'm losing my mind. aussi classique que la jalousie d'une femme amoureuse. Excellente idée si j'allume mon micro. Radio Antigone. Le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Et le zapping continue, il me semble. Ah voilà, et vous avez sûrement entendu à la fin du titre d'Offenbach, puisque j'avais malencontreusement laissé le son de France 3 allumé. Voilà, un bon dîner d'ailleurs actuellement sur France 3, qu'est-ce qui nous passe? Je n'ai pas le programme sous les yeux, ce qui est un petit peu pas pro du tout, mais voilà. Ah, donc pas de programmation spéciale Nouvel An, d'accord. Eh ben c'est intéressant, il sera intéressant de regarder les audiences après, voir si ça fonctionne ou pas. C'est vous qui en étiez à l'origine ? Absolument. Nous avions trouvé un accord avec mon mari afin de présenter les choses de la manière la plus douce à notre fils. Il partait à Bordeaux, officiellement, pour son travail. Et après quelques mois d'éloignement, nous décidions d'un commun accord qu'il valait mieux nous séparer. Mais une fois installé à Bordeaux, il a refusé de jouer le jeu de la rupture décidée par consentement mutuel. Oui, le bel appartement que je lui avais acheté à Bordeaux devait servir de solde de tout compte. Le jour de l'audience préalable, il a tenté de négocier un supplément, en me menaçant de dresser notre fils contre moi si je refusais. Ce qu'il aurait réussi à faire. Valérie avait un vrai don pour faire croire n'importe quoi aux gens. Donc la disparition de votre mari tombe au bon moment, pour reprendre votre expression. C'est très très joyeux sur France 3, dites donc, hein. Ah ouais, la grosse ambiance, on est dans une salle bien sombre d'interrogatoire, voilà, c'est vraiment une ambiance très très agréable, comme on aime bien. Ah ouais, ouais, bon alors, c'est super, mais c'est intéressant de la part de France 3 de ne pas proposer une programmation spéciale, voilà. C'est un concept, on verra si ça apporte ses fruits ou non, je sais pas du tout ce qu'ils avaient proposé l'année dernière. Ah, il termine en sourire l'intégral à l'interrogatoire, ok, ça aussi c'est un concept. S'ils veulent. Voilà. On passe rapidement sur RTL alors. Ah oui, je vois ça, en effet. Et j'ai le son qui va pas partir au bon endroit et je n'ai pas le flou sous la main. Bref, je me suis encore raté. Hein, voilà, tout simplement. Ah là là là là, ça c'est bien. Alors RTL, où est-ce que c'est RTL? Bonjour. C'est là. Ah là. Louisville 2021 catégorie 10. Normalement, je les ai sous la main, hein, mais là non. Leclerc. Canon. Ah ouais. Super. C'est la bonne humeur. Voilà, bon, on ira après, je pense, sur. Allons après sur RTL. Puis on va pour l'instant. Quoi, il y a une musique là? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, en fait, oh là là, je suis perdu dans ce que je fais. Alors, je vous promets que cette émission va beaucoup mieux se passer dans un petit instant. Voilà, après avoir écouté de la très très bonne musique, il me semble. Tout à fait. Tout à fait. Qui annonce le titre suivant? Eh ben alors, attention, j'annonce, on reste aux États-Unis, hein, et puis on va retrouver le grand Michael Jackson qui nous a quitté il y a quelques années déjà. Voici, attention, la prononciation anglaise, Wanna Be Starting Something. Down. Someone's always trying to dodge my problème, les gars. Du coup, la question est, qui désannonce ce titre? Eh ben, qui désannonce ce titre? Est-ce qu'on le fait en chœur? Allez, en chœur. Alors, c'était donc... Wannabe Start Moi, j'allais commencer par l'artiste, donc... Ah, ok. Déjà, ça a commencé mal. Non, mais vas-y, ça commence. Alors, en tout cas, c'était pas Booba. Non, c'est déjà bien. C'était donc, vas-y, on reprend, on y va. C'était Wannabe Starting. Oui. Avec Michael Jackson. Michael Jackson, oui, voilà. Très bien, on a réussi, ou pas, mais en tout cas... Le petit prince de la pop musique, comme disent les anciens, comme moi. Ouais. Et vous l'entendez derrière bonjour vous. La radio. C'est bonjour la radio en direct. Antoine, le président de l'association de la radio, qui nous a rejoint, comme promis. Exactement. Voilà. Bonjour. Comment bonjour, vas-tu? Bonjour, bon réveil. Voilà, ça c'est une petite blague entre nous. Donc, il faut avoir la référence. Je vous conseille d'écouter. Le petit blague boudette. Bon, alors comment ça va les garçons? Ça va, à part que là je me rate totalement au niveau technique et dans l'émission, mais sinon ça va. En attendant, si tu veux, Enzo, reprends tes esprits. Moi je papote avec Xavier, il n'y a pas de problème. Et papoter, je demande juste à Xavier si la musique qui est insérée dans la playlist le convient, lui convient. Oh là là, déjà j'arrive même pas à faire une phrase. Lui convient ou pas? En deux? En deux, ouais. Allez, c'est osé, mais on y va. Allez, on fait ça. Parfait. Et après, on reprendra la programmation prévue, bien sûr. Du coup, Antoine, comment vous allez, mon bon monsieur? Écoutez, mon bon monsieur, ça va pas mal. Je suis actuellement dans un édicule sanitaire afin de vous écouter plus calmement. Ah, ok. Voilà. Oui, écoutez, c'est la radio à vif, mais c'est la radio sans filtre. Voilà. Il est 23h28. On est le vendredi 31 décembre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Actuellement, il fait bon. Je suis encore habillé, ce qui est rare, car je suis en pyjama, ce soir-là, normalement. Ouais. Je peux aussi vous annoncer que le Rémi Express demain de 6h51 pour Paris partira en voie 1, normalement, et sera assuré en 12 voitures corail. Voilà. Le bon Paris. C'est ce genre d'anecdote qu'on veut le 31 décembre. Voilà. C'est ce genre d'anecdote. Et là, je voudrais un jiggle Yu-Gi-Oh, tu vois, Enzo. Je l'aurai pour la prochaine mauvaise blague. T'inquiète pas, pardon. C'est sorti alors, tout seul. Pardon. Une blague, ok, une blague. Non, attends, deux secondes, laisse-moi le temps de sortir. Attends. Qu'est-ce qui est vert, qui boit de la vodka et qui vit sous l'eau? Vous avez pas. Il y a mes parents qui écoutent. Vous avez pas? C'est un sous-marin russe. C'est un sous-marin russe. Un sous-marin bus. J'ai raté un truc. Qu'est-ce qui est vert, qui boit de la vodka et qui vit sous l'eau? J'ai compris. J'ai compris. C'est là qu'il faut le Yu-Gi-Oh. D'accord, j'ai compris. Un sous-marin bus. Un sous-marin russe, bah oui, c'est un sous-marin russe. Un sous-marin russe. Bus ou ruche? Ruche, écoute... Un sous-marin tuf? Je comprends rien. Russe, oui, russe. Pourquoi il y a pas un russe? Ah! Ok. Cette blague est bien trop longue, là. Oui. Elle est bien trop longue. Et vous savez que du coup, il est déjà trop tard pour le top horaire, presque. Allez, on y va. Alors, le top horaire, c'est parti. Radio Antigone. Il est 31. Faut parler, hein. On va parler sur le top horaire, parfait. On va l'en faire. D'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. À vous d'inventer Radio la vie Antigone. Qui va avec. Radio le bye-bye 2021. Radio Antigone, faites la nouvelle année avec vous. C'est moi. Bonjour. Oh mon dieu, t'as lancé la musique, Enzo. Oui, j'ai lancé sans faire exprès, c'est lancé tout seul. Oh, quel scandale. On l'écoute tout de suite. Allez. Hein? On l'écoute tout de suite. Allez. Je te laisse l'annoncer, c'est ton choix. Par là, ou c'est pas encore l'heure. Est-ce que tu peux faire quoi? Des vannes borderline, ou c'est pas encore l'heure? Alors non. Une fois que j'aurai dit à mes parents de ne plus écouter cette émission, tu pourras. Et j'ai 3 secondes pour vous annoncer Jean-Pierre Madère avec Macumba. Elle est venue sans bagage. Comme échouée d'un naufrage. Bonjour. C'était Jean-Pierre. On peut pas désannoncer un titre tranquillement ici. C'était Jean-Pierre Madère avec Macumba. Radio Antigone. Macumba. Le bye bye 2021. Radio Antigone, fête la nouvelle année avec vous. Elle tellement pas de rester. Et on a une bonne d'Antoine. Oui, Antoine avait une blague. Je vous propose de la faire sur ce magnifique sonore signé Justin Timberlake. Ouais, Can't Stop the Feeling. Eh oui. Alors, moi personnellement, juste pour information, sur le site, là, il y a quand même marqué la case du week-end pour information, mais bon. Oui, alors, j'ai essayé de modifier, et c'est ce qui a fait qu'on a pris l'antenne en retard. Ouais, d'accord. Et en plus, j'ai raté la modification. Non. Donc, voilà. J'écoute le retour en même temps, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. Parce que j'aime pas le respect. Alors, du coup, vous voulez une blague, c'est ça? C'est ça. Totalement. Alors, est-ce que le jingle Yu-Gi-Oh! Est prêt ou pas? Non, je ne l'ai pas et je ne le trouve pas. Alors, j'ai deux blagues. J'en ai une pour les intellectuels et une pour les matheux. Du coup, je vais faire les deux. D'accord. Ok. Voilà. Alors, un Romain rentre dans un bar et demande au barman un Martinus. Du coup, le barman, il lui demande un Martini plutôt. Et le Romain, il dit, si vous en avez voulu plusieurs, je vous l'aurais signalé. Ah. Un Martinus, un Martini. Ah, oui, parce qu'en gros, le I en italien comme en latin, c'est pour mettre le pluriel. Ok. Mmh. Ok. Voilà. Mmh. Non, mais si vous faites, il va falloir attendre au moins 5 bonnes minutes pour que je comprenne. Moi aussi. et la blague pour les matheux, du coup, voilà. Oui. X au carré, il se balade dans la forêt de Fontainebleau, tranquille, toi. Et quand X au carré ressort, il est plus que X. Pourquoi? Voilà. Je sais pas. Ah, il est rond. Parce qu'il a sur une racine carrée. Oh. Ah. Je la valide. Ok, là. Voilà, je la valide. Vraiment, bravo. Elle est intéressante. Ouais, elle est pas mal. Et là, par contre, je suis en train de m'entendre. J'ai une voix dégueulasse par téléphone. Bah, c'est la voix du téléphone, là, aussi. Donc, on peut pas faire mieux. J'ai une voix dégueulasse, les gars. C'est vrai, on t'entend en étouffer un peu. Non, mais j'étais à l'antenne il y a 40 minutes. J'avais une voix suave et extrêmement intéressante pour les femmes. Mais là, j'ai une voix immonde. J'ai une voix, on dirait une poubelle, le gars. Eh ben, rassure-toi, on rentrera ta voix suave vers minuit et demi. Eh oui. Et c'est t'as vrai. Vu, j'ai réussi à caler la promotion comme ça. Et non, parce que faut peut-être que mon enregistrement soit dans le drive. Ben, quoi qu'il en soit, on t'entendra vers minuit et demi, voilà. Ben, du coup, faudrait que tu me dises. Oui, alors là, c'est que les auditeurs, ils sont au milieu de la réunion, là, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on passerait aux zappings que... Ouais, est-ce qu'on fait 1h15 dans le drive ou pas? Tu mets dans le drive, oui, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça à part au drive. En antenne? Si tu veux. On en parle en antenne? Oui. Non, c'est mieux. Moi, je veux qu'on en parle maintenant. Oui, ok. Donc, moi, j'ai envie de demander aux. Et aux auditrices, si. Oups! J'ai cru Antoine. Oh non, alors là, il va être énervé. Ne le fais pas, ça. Non. En plus, on peut pas te démuter, je crois. J'arrive pas à le démuter. Non, parce que. C'est le problème du Jitsi. C'est qu'on peut pas démuter. Voilà. Oh non, je l'ai coupé. On peut pas démuter à part soi-même. On a cassé Antoine. Sur le téléphone, il a pas l'interface pour se démuter. Il faut qu'il raccroche et qu'il rappelle. Oh merde. Là, je te Antoine, félicite. Si tu nous entends, faut que tu alors là, bravo. Là, bravo Xavier. Là, Antoine va être fin énervé, je sens. On est désolé. Je n'y suis pour rien, Antoine. Excuse-moi. Voilà, je suis sincèrement désolé. Et Xavier voulait faire pour la blague et ne savait pas qu'on ne pouvait pas rallumer le micro. Non, est-ce que pas. Du coup, alors que notre cher je voulais Antoine, juste couper le son pour moi. À la base. Ah, en plus! Mais oui, c'est tout! Voilà, il est de retour. Allô? C'est pas ça très très sympa de raccrocher au nez, les gars, mais bon. Bon. On fait exprès. Voilà. Est-ce bon, qu'on passe oui. Moi je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Antoine. À tout à l'heure, avec plaisir et distraction, bien sûr, et conducteur fiché en l'air. On passe au zapping? Allez, il est 23h42. Non, 40. Radio Antigone. 41 le même. Bye bye 2021. Ouais. Radio Antigone, faites la nouvelle année avec vous. Oh non, j'ai encore mis la version avec le bed. Chaque fois, je me rate. Hein. Eh ben, tant pis. On part sur RTL. Allez. Allez. Faut voir si c'est toujours la pub. Non, non, j'ai changé. Bah, j'espère qu'ils ont pas remis la pub, oui. La playlist de Georges avec Bruno Mars. Oui, Bruno Mars, je crois. Il me semble aussi, ça doit être le tout dernier titre de Bruno Mars d'ailleurs, ça est l'extrait du dernier album en tout cas. Ouais. J'aime bien. Pas désagréable. Et d'ailleurs, je voulais passer un Bruno Mars dans cette soirée si on aura le temps, on le fera. Oui, bon, il faut qu'on se paye un peu le popotin, car on est un peu à la bourre. Je crois qu'il n'y a pas que le popotin, il va falloir accélérer. Voilà. Il va falloir avoir un débit très, très rapide. C'est ça. On va sur quelle chaîne? Mais sur Canal. Sur Canal. Ah, là, tu m'arranges, dis donc. Hein. Là, vraiment. Avec Canal qui est prêt? C'est pratique parce que là je vais aller. On va sur Canal dans un instant, on va avant sur France 5, ça te dérange pas. Et bien sur France 5, c'est dans la règle, avec Jean Ludwig. Très bien. Description. Non, actuellement c'est tout. Ah, le générique. Ah, dans World of Love for Christmas. Pour vous expliquer, c'est le générique de la rediffusion de C'est à vous. Ah oui, c'est bien un best-of de C'est à vous ce soir. Attention, surtout l'ajustement des temps de parole. I don't want a lot for Christmas. Et ben je te propose qu'on passe à M6, sinon. Alors on va pouvoir passer à Canal+. Bonsoir, bienvenue. Super. Dans C'est à vous, heureuse si de vous voilà, accompagner. Il y a Anne-Elisabeth Lemoine qui parle. Canal+, oui, c'est ce qui se passe sur Canal+, sur France 5. Et donc, on va passer extrêmement rapidement sur Canal+, je ne devrais normalement pas avoir de publicité, puisque j'ai une petite technique, voilà. Et donc, voici ce qui se passe actuellement sur Canal+. C'est le gala de Paul Mirabel, normalement. Oui, mais sauf que ce qui se passe actuellement, c'est ça. Ah bah oui. Parce que je n'ai pas Canal+. Ah oui. Voilà, donc tout ça pour... Donc, normalement, il y a le gala de Paul Mirabel. Voilà, que je ne peux malheureusement, et j'en suis fortement désolé, pas vous diffuser, voilà, parce que je n'ai pas. Voilà. Tu veux vraiment qu'on passe donc sur M6? Allez, non, pas le temps. Si vous voulez y aller, c'est scène de ménage spéciale, fête de fin d'année, tout ça, tout ça. Voilà, ça m'arrange parce que je ne pouvais pas avoir M6 facilement. Par contre, on peut c'est 100% abrégé. Arte. Ça, par contre, je peux aller directement sur Arte. Arte. Je sais pas regarder. Eh ben, voici ce qu'il se passe actuellement sur Arte. C'est une série britannique, La Fourre Vanité. Il peut pour qu'aucun Anglais de Belgique ne se fasse de cheveux blancs en pensant au petit caporal. Je me suis laissé dire que les Français avaient passé la frontière. Vous en savez plus que moi. Je ne suis qu'officier, mais vous êtes... Nous sommes, mon mari et moi, aide de camp du général Tufto, qui n'est pas insensible à mes charmes, n'est-ce pas? Dommage qu'il ne joue pas. Il roule sur l'or. Allons, Osborne. Nous avons une revanche sur le feu. Becky, où sont ces appartements? Au général, je veux dire. À côté des nôtres, bien sûr. Je me sens très en... Rodon est son aide de camp. Préparez-vous à débourser, Crowley. Vous êtes à côté? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ma chère et douce amie, comment pourrions-nous survivre avec nos maigres moyens? Avec ces doublages qui se déroulent dans l'Angleterre du 19e siècle. Voilà. Je peux te dire qu'actuellement, les hommes jouent aux cartes, tandis que les femmes discutent sur une chaise. Voilà. Ok. Comme d'ailleurs personne ne le ferait, elles discutent à côté pour qu'on puisse se filmer plus facilement. Voilà. Qui ne se fait pas naturellement, pas rarement. Dans la vie, personne ne fait voilà. ça. On se met en face, pas en temps de Covid, mais sinon on se met en face, habituellement. Voilà sur cette déclaration. Il est 23h45. Et on passe à quoi? Bah, on passe peut-être à un de mes singles de l'année. Allez, voilà. Entre nous. Alors, un de mes singles de l'année, avec un titre assez agréable à écouter, assez pop, assez rythmé, qui passe bien d'ailleurs pour une journée de réveillon, pour une soirée de réveillon. C'est pop rock, je dirais. En effet, Voici tout de suite Olivia Rodrigo, si je roule les R, avec un titre orthographié d'une façon assez intéressante, puisque pour dire fort, eh bien, il y a le chiffre 4 qui se dit bien sûr fort en anglais. Good for you, c'est Olivia Rodrigo que nous écoutons tout de suite sur Radio Antigone dans votre Bye Bye 2021, votre soirée du réveillon. Good for you, I guess you moved on really easily. Found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world. Good for you, I guess that you've been working on yourself. Cause the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like you never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Voilà, j'ai coupé la parole à Olivia Rodrigo, et du coup c'était Olivia Rodrigo, Good for You, sur Radio Antigone. Radio Antigone, le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Et plus que 10 minutes, à peine plus de 10 minutes dans cette année 2021. Et pour bien terminer cette année 2021, le zapping continue avec la meilleure chaîne du monde, c'est-à-dire C8. Je suis pas sûr. Ah bon? Ah mince, non. Pardon, j'avais oublié que j'avais fait préparer des phrases en fait, toutes faites avec la meilleure chaîne du monde, la superbe chaîne, blablabla, et en fait je les ai associées au hasard aux chaînes, et donc par hasard je suis tombé sur C8. Par chance, je ne suis pas tombé sur CNews. Encore, là c'est encore plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai préparé mes relances au hasard, voilà. Histoire de, ah bah oui, c'est le nouvel an, autant faire des choses bien et faire les choses au hasard. Et bah c'est tombé sur la meilleure chaîne du monde. Est-ce que je parle pour ne rien dire, comme d'habitude? Tu meubles un peu, oui. Très bien. Et alors que je n'ai pas à meubler, puisque C8 est prêt en plus à être écouté. C'est bête, hein? Eh ben on écoute. Eh ben on écoute C8. Alors qu'est-ce qui se passe sur C8? Ah, Patrick. Patrick Sébastien. Sébastoche. Au programme, des imitations et des parodies totalement bluffantes. C'est le début du deuxième programme en fait. Le premier vient de se terminer, c'est les 20 ans du plus grand cabaret du monde. Et là depuis 23h48, parce qu'ils sont précis chez Canal, c'est Sébastien la télé, c'est fou. Allez Sébastoche. Voilà. Et surtout, beaucoup de rire et de bonne humeur. Tu sais, c'est le genre de programme où on a un sommaire de 10 minutes, où on sait tout ce qui va se passer, on sait tout le contenu, et du coup, ça sert à rien de regarder la suite du programme. C'est ça. Voilà, sur les sardines, on passe à la chaîne suivante. Et bien c'est donc W9. Ah, c'est une chaîne d'M6, donc je l'ai pas. Donc on ira voir M6 après. M6. On peut donc passer à Thames. C'est une chaîne de TF1, je ne l'ai pas non plus. Et bien du coup, on enchaîne sur la musique. Sur Energy 12. Ah, Energy 12, ok. Allez, Energy 12. C'est parti. Voilà. Par contre, je viens de voir un superbe générique sur là sur C8, vraiment avec une police, mais pas du tout cliché, mais vraiment parfait. Une tête déformée. Alors là, c'était merveilleux. Alors qu'il est, il doit être en train de gambader dans un parc avec Monsieur Parfait dans son jogging de marque. Et moi, je suis cloué dans ce putain de fauteuil. Il pourrait aussi être mort dans un accident de moto. Dire que je me considère comme un mec normal. Quel con. Ah oui, déjà valide, t'étais pas normal. Sur cette magnifique discussion, c'était une rediffusion de K1 que Energy 12 a récupéré, voilà, de France 2, excellente série qui a été arrêtée il y a un an, voilà, c'est d'ailleurs une des pertes de l'année 2020, c'est 2021, pardon, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle saison de cette série K1 qui s'est arrêtée la dernière saison. Voilà. C'était donc sur Energy 12 et TMC qui est prêt. Et bien allons-y, TMC, il reste du cœur sur la route des enfoirés. En plus, ça va être drôle, tu vas voir pourquoi. Suspense. Alors, c'est pas ça qui est drôle, mais c'est le moment sur lequel nous tombons de l'émission. Voilà, tu vas voir. On va attendre un peu. Alors là, par contre, vraiment magnifique. C'est pire que sur C8, ce que je suis en train de voir, mais c'est pas grave. Voilà, alors on va meubler un peu, écouter cette chanson. La qualité. C'est parce qu'ils chantent tous en même temps, oui. Ouais, je pense à un mois. Bon bah ça tombe à l'eau. Je pensais qu'on allait tomber entre les deux programmes sur la pub, mais non, puisque le générique est extrêmement long. Voilà. Okay. Donc on aura perdu du temps. Grâce à moi une nouvelle fois. Bravo. Bravo Enzo. Voilà. Voilà, on passe à la suite, voilà. Xavier. La musique. Oui, si tu veux, comme tu veux. Eh ben allez, je te laisse annoncer. Oui. Bah mince. C'était pas une des deux là que tu voulais passer, on est d'accord. Hein. Non. Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Bah vas-y, une des deux. Bah ouais, ça va être plus simple. Celle-là, c'est la dernière, je crois. Allez, ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on écoute, mon cher Xavier? Vas-y. Eh ben on écoute ce vieux tir, The Weeknd. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. But you were past me like I wasn't there. Radio Antigone The Weeknd avec Save Your Tears. Est-ce que tu fais un mot aussi si long, juste quand on doit meubler pendant deux minutes? The Radio Antigone, le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Je n'ai pas du tout entendu ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as fait un mot aussi long, juste quand on n'a pas le temps? Enfin, justement, si, quand on doit meubler. Alors, notamment, et parce que depuis 3 minutes exactement, ma souris fait n'importe quoi et se coupe en plein milieu d'un mouvement. Et donc, je n'ai pas pu lancer le jingle à temps. Et Antoine nous rejoindra plus tard, c'est juste qu'il a plus de batterie. Ah, c'est embêtant. C'est pas pratique. Exactement. D'ailleurs, c'est le cas de mon téléphone depuis la ligne 14 du métro. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Tu as vu, on sait combien. Ligne 14, c'est passionnant. Ouais, passionnant. Et ma souris qui bug encore. Comprends pas. Et du coup, un petit coucou à papa, maman Enzo s'ils nous écoutent. Ouais, coucou papa, c'est une bonne année. Vous écoutez une merveilleuse émission, merveilleusement bien préparée de mon côté, et tout va bien, voilà. Vraiment. Mais non, mais on est là, dans la bonne ambiance, la bonne humeur, on n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà. Tu as tout à fait raison, mon cher, tu as tout à fait raison. Et dans quelques instants, nous allons écouter les Weather Girls avec It's Raining Men pour commencer l'année 2022. Il nous reste que quelques secondes dans cette année 2020. Voilà, c'est très monotone, on a l'impression qu'il ne se passe rien de spécial, là, vraiment comme si on attendait. Hein. C'est très pro. Est-ce qu'on commencerait pas le décompte? Allez. Alors, c'est ce qu'on sait. 4, 3, 3 2, 1, bonne année 2022. Voilà, bonne année à tous, bonne année 2022, voilà, bonne année à tous, voilà, j'espère qu'elle se passera au mieux que 2021, aussi bien que 2021 si elle s'est bien passée pour vous l'année, en mettant à côté les événements sanitaires. J'espère que l'année 2022 se passera au mieux. Et surtout, un petit coucou à tous ceux qui vont encore écrire pendant 3 mois 2021 sur tous les documents officiels, sur toutes leurs copies s'ils sont en cours. Parce que voilà, je vous soutiens, je vais moi aussi faire de même, puisque j'ai écrit 2020 jusqu'à septembre. Voilà. Excellent. Voilà. Alors, je sais pas comment c'est chez toi, mais il y a un feu d'artifice dehors chez moi. Dehors chez moi, c'est moyen de dire. Devant chez moi. Ah, pas mal. Ouais. Je croyais que c'était interdit. Eh ben, visiblement, il y en a. Attends, j'ouvre les volets. Normalement, il n'y en a pas, mais j'ai entendu des bruits là, autour de chez moi. Je ne sais pas. Ah oui, je vois. Mais voilà. Ah oui, tu vois. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai entendu un bruit, mais un peu en retard d'ailleurs. Il devait avoir une horloge pas très à l'heure, mais voilà. Et on pourrait mettre un petit peu de musique joyeuse pour fêter l'année, parce que vraiment, c'était, allez, on a fait le décompte et applaudissements, ça part. Je pense qu'à l'antenne, le rendu devait être merveilleux. Alors que c'est quand même déjà plus joyeux. Ouais, allez, hop, can't stop the feeling. J'aurais dû lancer le bête pile à l'heure, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'ai entendu des applaudissements. Je m'excuse pour ce bruit. T'as pas entendu des applaudissements? Cécile, tiens. Ah bon? Bah j'ai pas applaudi pourtant. Ah, non. Et voici Antoine qui nous rejoint. Bonne année Antoine. Bonjour, bonne année 97 les gens. Non, 97 c'est l'année de tes 30 ans. Si, on est en 2022. Si. On est en 97. On est lundi soir et tout va bien. Merci d'avoir choisi Radio Antigone. Au nom de... Alors, je peux faire un petit discours de 30 secondes ou pas? Allons le discours de président Radio Antigone. Vas-y. Et moi je vais tenter un truc. Pendant ce temps, vas-y. Alors. Chères auditrices, chers auditeurs, chers bénévoles de la radio, cher Xavier, cher Enzo. Cher Antoine. Oh, bonjour. Au nom donc de tout le bureau, donc Bérénice et Constance se joignent à moi, pour vous souhaiter une année qu'on va essayer de faire, enfin, une année qu'on vous espère pas trop pourrie, hein. Parce que là, on peut plus qu'on souhaiter la bonne année maintenant, vu comme elles étaient pourries les deux dernières. Donc on va vous souhaiter une année la moins mauvaise possible pour essayer que vous soyez le plus heureux possible et surtout la santé, hein, voilà, quand même, la santé. Et puis, si monsieur le maire de Bourges nous écoute, on a toujours notre subvention de 15 000 euros. Donc ce serait sympa pour démarrer l'année, monsieur le maire, voilà. Ça, c'est un petit message que je fais passer. Également, dédicace à mes censures. Voilà, à mes bros de la radio, donc Big Up Enzo, évidemment, hein, énorme Big Up, parce que faut quand même savoir, chers auditrices et chers auditeurs, que sans Enzo, en fait, on pourrait pas faire de la radio en ce moment en direct, ça pourrait pas marcher. On pourrait, mais on pourrait pas le faire ensemble, du coup, ce serait un peu nul, déjà. Également, voilà, donc Big Up Enzo, qui... ah, bon, Big Up au pétard dans la rue également. Voilà, donc énorme Big Up Enzo, vraiment, du fond du cœur, au nom de toute l'équipe, et voilà. Tu fais un taf de malade, et pour ça, les merci ne seront jamais assez grands, clairement. De rien, voilà. C'est un plaisir. Également, alors, il nous écoute pas, parce qu'il est sûrement en train de dormir, mais merci à vous, Boufèze. Non, il avait un repas de famille. Ah, il est en famille, et bien on va. Il peut être aussi en train de dormir, mais j'espère. Pour lui que ça se passe. La digestion, il fait la sieste digestive. Donc également, énorme big up à vous, Boufèze, qui a permis de faire plein de trucs sur le site web. Tout à fait. Et vous avez un magnifique player qui a été contre, ouais, 100% presque par lui. Il est super beau, le player. Ah ouais. 100% maison. Non, Antoine, quoique si, il est minuit, donc le CSA, il nous écoute pas, il dit qu'il n'y a plus de CSA, c'est bon. Vous faites chier avec vos pétards. Voilà, merci. Ah, moi, j'ai un gros big up également à Xavier. Oui. Qui même. Alors Xavier qui n'est pas là tout le temps. C'est vrai. Mais Xavier est futur juriste. Donc, Xavier a d'autres choses à faire. Effectivement, que de parler à la radio, je le comprends parfaitement. Donc, énorme big up, Xavier, pour ce que tu fais. Même si tu n'arrives pas toujours, comme ce soir, on te pardonne parce que, ça te kiffe. Parce qu'on te kiffe, gros. Donc, change pas. Reste comme tu es. Hein, voilà. Ouais. Clairement. Tu parles. Et puis, du coup, big up à Matt aussi, qui du coup n'est pas là. Ouais. Mais que vous avez entendu à 20h et que. Ah, du coup, oui, faut qu'on voit si le bon bout. Vous, les gars, vous faites votre tambour, mais peut-être que Matt sera quand même rediffusé à 12h30, je ne sais pas. Oui, non. Hein. Oui, oui. Voilà, sûrement, donc, big up à Matt qui a donc. Qui nous a proposé le premier numéro de R1 ce soir. Très jolie émission. Une émission très très ambitieuse et très très intéressante que vous n'avez entendue nulle part avec un concept 100% inédit. Ouais, et franchement, j'étais épaté. J'avais pas entendu non plus. J'avais pas voulu l'écouter avant. Je l'ai découvert en même temps que vous et j'étais épaté par la qualité d'émission, vraiment. Superbe émission. Tutut aussi. Je crois que la France a gagné la Coupe du Monde là, visiblement. Ah. C'est génial, c'est bienvenue à la campagne. Alors, je vous coupe. Big up également. 5 secondes. Oui. Parce qu'il faut juste que je fasse un changement de câble et vous êtes à l'antenne dans un instant. Attention, ne touchez à rien, chers amis. L'antenne revient sur Radio Antigone dans un instant après la non-pub. Xavier, on me censure. Voilà. Est-ce que là, on vous entend normalement ? Allô ? Xavier, tu es là ? Oui. Je crois qu'Enzo veut nous censurer, en fait. Ah, pas du tout. Oui. Vous allez voir pourquoi. Allez-y. Allô ? Bonjour, bonne année. Voilà. Également, du coup, bon, bah, pour les big up, voilà. J'en profite également pour refaire un big up encore tout ce que vous aviez fait pendant le premier confinement. Mine de rien. Que c'est au-delà. D'accord, donc là c'est super avec les pétards. Vous avez fait un taf de balle de malade pendant le premier confinement et vous êtes encore là et ça c'est grave cool. Et puis également un big up à qui d'autre, bah, au fait que la radio soit encore là aujourd'hui. Donc big up à mon ex. Voilà, on embrasse, pas du coup. Big up à Clémentine, sans rancune, et puis bah big up à tous les auditeurs qui sont là encore. Pas nombreux, mais c'est des vrais brochures. On vous prépare plein de trucs cool pour 2022, voilà. Et trois. C'est déjà pas mal, trois. Donc bravo à vous trois, hein, clairement. Je sais pas si elle m'écoute, mais big up à Camille, je t'embrasse sur les fesses, comme d'habitude. Voilà. Et je vais vous rendre l'antenne, messieurs. Je vous embrasse de loin également, depuis les bureaux de Bourges. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Je vous retrouve, je sais pas, du coup, à 1h15, je crois. Ça doit être ça. Bref, voilà. Voilà. Moi, je vous retrouve de 1h15 à 2h15. Et puis, du coup, de 2h15 à 3h45. Non, à 3h. Du coup, pour la rediff du 21h15, 22h. Voilà, je vois. Ok, d'accord, très bien. Que j'ai mis dans le drive aussi, Enzo, donc il faudra le faire voir, voilà. D'accord, eh ben je ferai ça. Et j'ai sorti les gros voilà, moyens. Voilà, donc si vous m'aimez pas, bah, ça coûte plus, parce que là, il va y avoir encore 1h45 de moi, donc ça va être lourd. Donc moi, je vous conseille d'écouter Enzo jusqu'à 1h30, et si vous m'aimez pas, vous coupez de 1h30, de 1h15, voilà. Donc coupez pas la radio à la fin de l'émission, parce qu'il y a la rediffusion d'errance. Mais à partir de 1h15, vous pouvez couper si vous ne voulez pas, parce que c'est moi qui reparle. Donc vous pouvez couper. Mais réallumer à 3h45. Voilà. Donc on allume, on éteint, on allume. Ça va être trop bien, voilà. Très bien. Je vous fais des bisous, les enfants. À bientôt, Antoine. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Antoine, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, et bah. Et bon, on passe à la suite ? Oui, on passe à la suite. Et moi, je vais partir en expédition. Je t'explique tout dans un instant, mon cher Xavier, après avoir écouté cette merveilleuse musique que nous n'avons pas prévue. Ah si ! On avait prévu quoi ? It's Raining Man ? On avait prévu quoi ? It's Raining Man. Ah oui, oui, oui, mais bien sûr. Mais pourquoi n'est-elle pas là ? Pourquoi ? Je ne sais pas. La bande originale du journal de Bridget Jones aussi. Intéressant, que je n'ai pas vu, mais qu'il faudra peut-être que je regarde. Quelque chose d'assez intéressant. D'accord, très bien. Eh bien, je note. À regarder, donc, merci pour le conseil. Un titre sorti en... Ah non, je n'ai pas l'année. Je vous le dis. En 96. Ouais, mais ça, c'est la date du best-of, donc... Regarde. Voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté en fait. Voici les Weathers. C'est sorti en 79, ouais. It's Running Man à minuit 10. Les Weather Girls sur Radio Antigone à l'instant avec It's Raining Men. Radio Antigone, le bye bye 2021. Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Peut-être que par contre tu vas annoncer la musique. Eh ben allez, étant donné que je suis un petit peu fan aussi, on écoute Dua Lipa avec Dance Not Now. About the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody. Show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Radio Antigone dans Bye Bye 2021, bienvenue en 2022, c'était Dua Lipa avec Don't Start No. Et oui, puisque nous sommes depuis 16 minutes et 32 secondes en 2022. Ouais, surprenant. Radio Antigone, le Bye Bye 2021, Radio Antigone fête la nouvelle année avec vous. Et bien du coup, et bien on va passer à un titre un peu plus dense de notre choix. Du coup, Enzo va nous proposer le sien sous VVV. Mais on commence par où ? Si j'ai bien suivi ? Et ce sera non. De quoi ? Il me semble, oui, qu'on commence par toi. Et donc ce sera Don Goyette de Camila Cabello. C'est parti. J'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais. Je connais, si, si. Ah. Merci, quand même. Je ne serais pas digne de faire de la radio en 2021 si je ne connais pas. Exactement. En 2022, pardon. Ah oui, du coup. Je ne suis pas digne non plus de couper la parole à Camila Cabello. Notre histoire. Est-ce que j'étais digne avant ? De toute façon. Oui. Me tais peut-être. Oui. Don't go yet. D'être avec nous sur Radio Antigone. C'était le petit choix de Xavier qui m'accompagne. Camila Cabello, Don Goyet, et d'un don't à l'autre, voici le troisième don't de suite avec tout de suite Mathieu Kos et Lost Frequencies. Voici sur Radio Antigone pour fêter 2022, Don't Leave Me No. Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart and me. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me, leave me. Took you for granted, but don't leave me stranded here. I need you, need you. It's a long way down if I fall without you. Yeah. C'était Don't Leave Me Now, Don't de Lost Frequency. Ah. Ah. Ouh. Ouais. Tout, tout, tout, tout. Je ne t'entendais pas parce que j'ai démuté ligne par ligne et du coup je ne t'entendais pas. Oui, on joue à des chiffres et des lettres, c'est ça? Allez, on est parti. Et comme des petits foufous, on va s'amuser. Ah ouais, on va s'amuser. On va s'amuser des chiffres et des lettres. Ça arrive. Exactement. Dans un tout petit instant. Après. Ça va le faire, peut-être. Après. Ça y est, ça arrive. Oh là là. Elles sont dures à sortir, les lettres, en fait. C'est pour ça. Il faut le temps qu'elles arrivent à venir. Voilà. Et donc, c'est drôlement lent. Ouais, c'est voilà. Long. C'est ah bah, j'ai la musique de circonstance pour les situations lentes. Ah. Voilà. Ah. Ah ouais. Là, c'est sympathique de couper pendant que je chante. Ouais, les cartes sur. Normalement, j'ai des chiffres des lettres quelque part. Là, des chiffres des lettres, c'est là. Ah, attention, es-tu prêt? Je suis prêt. Très bien, eh ben alors, c'est parti. Bienvenue dans votre après-midi jeu. Ah non, je l'ai pas. Ah si. Ah non. Ouais, mais il y a encore Benny en fait. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est catastrophique techniquement là. Ouais. Allez, on reprend. Bienvenue dans votre après-midi jeu sur France 3. C'est magnifique, bruitage. Ouais. J'apprécie. Ouais. J'apprécie. Mais du coup, c'est pas le jeu de jouer, mais il faut une plateforme. Hein. Faut une plateforme, un petit truc pour jouer. Oui, et c'est-à-dire? Eh bien, on fait comment pour jouer? Bon, on fait un tirage. Allez, c'est parti. On joue à quoi? Aux chiffres ou aux lettres? Allez, les lettres. Les lettres? Tu veux les lettres? Oui. You would letter. Exactement. You see that? Oui, papier, stylo, on est parti. Très bien. Alors, contrairement au jingle du début qui ont du temps à venir, la suite, je l'ai extrêmement rapidement puisque j'ai tous les effets sonores. J'ai même, attention, cerise sur le gâteau, voyelle, consonne. Un A. Et j'ai même, attention, ce bruitage, si. Chiffres. Eh ouais, j'ai tout, hein. J'ai tout. Et j'ai même, bien sûr, les fabuleux beds. Ah. Oh, j'adore. Tapis sonores, comme on les aime, bien sûr. Et j'ai même des versions rajoutées pour ceux qui sont très très mauvais au jeu et qui veulent avoir 60 secondes de réflexion. Un peu de mépris. Bah, c'est surtout pour moi que je l'ai fait, en fait. Donc, t'inquiète pas. Voilà, alors, voici le tirage. J'ai eu pas de tirage avec un nombre choisi de voyelles ou autre. Okay. Donc, on va le faire à la maison. Voici un A, un L, un I, un E, un Q, un G, un R, un E, un U et un L. Et vous avez 30 secondes. Vous Xavier, combien de lettres avez-vous? 6. D'accord, j'ai 4 lettres. Ok. Oui? J'ai allègre. Ah, bah je l'avais. Je me suis dit non. J'ai un doute sur le fait qu'il existe. Et bah bravo. Waouh, mais je suis pas sûr que ça existe. Moi, c'est celui que j'avais. Alors, est-ce que ça existe? On va aller voir dans le dictionnaire. Voilà. Est-ce que tu as 2 L? Oui. Bien sûr, hop, je rajoute 7 lettres. Ouais, bien sûr. Mais ça oui. Ça ne passe pas. Du coup, ça ne passe pas parce que allègre, ça existe. Ça existe, bien sûr. Ce mot-là n'existe pas. Ça existe. Mais ça entre, hein. A-L-L-E-G-R-E. Ça demande 2 L. Il y a 2 L. Allègre, ça veut dire que l'on est plein d'entrain, que l'on est vif. Voilà. Ou c'est aussi une commune française située dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire plaisir à Tristan Sacha, des fans de France Info. Pour Wikipédia, nous dit que le réparium des Allègres, chevalier puis baron des lieux, bref, voilà, je n'ai rien dit de plus. Est-ce que vous voulez la météo, mon cher Xavier, à Allègre? Allons, soyons fous. La météo de votre mot. Eh bien, 3 degrés avec un vent de sud-est à 5 km/h, 73% d'humidité selon weather.com. La cité facile de ce village est de 23,57 km². Et sachez que si vous voulez y aller en avion et polluer la planète pour un vol d'une durée de seulement 1 heure, eh bien, ça ne vous coûtera que 54 €. Eh ouais. Alors, sans vouloir pousser mes dédains dans les orties, il est minuit 29. Ah! On est censé conclure à minuit 30. Ah! Ah! Ah! Et je suis censé lancer l'émission suivante aussi. Et oui! Et est-ce que je l'ai? Non! Totalement pas! Alors, pas du tout! Surtout si ma souris ne veut pas fonctionner. Ce qui est... On est donc en meuble, chers auditeurs. Oui. Merci d'être avec nous. Ouais, bonne année. On fait quoi? On dit au revoir, on fait quoi du coup? Ouais. Eh bien, on dit au revoir. Très bien, on dit au revoir. Au revoir. Point. Au revoir. Au revoir. Ah mais non, mais c'est l'émission de Matt que je suis censé rediffuser. Donc ça, c'est bon, je l'ai. Donc on peut zapper quand on veut. Au revoir. Non, mais on a 100 minutes, hein, t'inquiète pas. Avec le temps de retard, ça ne décalera pas. Au revoir. Ah ouais, tu veux vraiment qu'on parte, en fait. Hein. On a vraiment marre de moi, c'est ça? Au revoir. D'accord. Bah, on se compte qu'on entend une dernière fois le bête quand même. Au revoir. Ok, très bien. Merci Xavier de nous avoir accompagnés. Et désolé d'avoir été insupportable. Au revoir. Ah ouais, vraiment partir. Vraiment partir. Attention, parce que si je rends l'antenne, c'est fini-fini. Hein. C'est fini. Eh ben, merci à tous. Enzo, c'était bien sympathique. Et puis aussi, si j'ai hâte de renouveler cette expérience, ben sans doute le week-end prochain, enfin pas celui-là, mais le week-end d'après. Oui, voilà. Et là, l'émission sera beaucoup mieux préparée, beaucoup plus fluide que celle-ci, et beaucoup plus complète en contenu. J'espère que cette émission totalement dingo vous a plu. Ah oui, c'était fifou. Hein. Ah, c'était fifou, ça c'est le cas de le dire. C'était alors, fifou. Fou. moi, je vous dis à demain 10h. Ouais. Bon courage, souhaitez-moi bon courage, voilà, je me souhaite du bon courage moi-même. Au revoir, ouais. Au revoir. Et à demain, je vous dis à très bientôt, voilà, sur Radio Antigone, la case du week-end demain dès 10h, et en direct, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Allez, à demain. Allez, au revoir, bonne année. Ah, bonne année, merci Xavier, hein, de m'avoir supporté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Justin. Tu peux te couper, hein. C'est bon, on a fini. C'est bon. Justin Timberlake, on a compris la musique. Tu peux couper. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.